Bitcoin base 1 watt et Bitcoin. Bitcoin est un réseau où vous pouvez utiliser une unité de valeur comme application. Tout cela sans organe central de contrôle. Dans le réseau Bitcoin, la valeur, du peuple et pour le peuple, peut être stockée, déplacée et stockée. Ceci, de manière non confiscable, mais en même temps non prémissive. Dans le réseau Bitcoin, la valeur, du peuple et pour le peuple, peut être stockée, déplacée et stockée. Bitcoin lui-même ne peut être confisqué ou censuré. De plus, il n'est pas sujet à l'usure ou à la détérioration, il est divisible, échangeable et sa rareté peut être prouvée de manière transparente. L'inflation constatée lors de la phase de distribution, qui est toujours en cours d'exécution, soit dit en passant, est mathématiquement cryptée. Toute modification doit être faite par consensus entre les mainteneurs du réseau et ses participants. Le réseau s'auto-ajuste également en termes de difficultés mathématiques pour distribuer les récompenses aux moissonneurs. La sécurité du réseau et de la plateforme est garantie par le cryptage et le travail vérifié de témoins numériques et d'utilisateurs qui n'ont pas besoin de se faire confiance. En tant qu'utilisateur et participant, mineur ou non, vous avez toujours le contrôle via vos propres clés. Cette responsabilité pour vos clés incombe à l'utilisateur et non à des tiers. Un travail réel, qui a un coût, doit avoir lieu et doit également être démontré pour prouver que la valeur a été générée. En d'autres termes, Bitcoin est un moyen d'arracher de l'argent, dans son sens originel, à la mainmise des banques centrales et des États. Bitcoin est la garantie mathématique de la liberté sans permission de et pour les gens. En d'autres termes, Bitcoin est notre argent, dans sa forme la plus parfaite, où le temps, la réflexion à long terme, l'inflation prévisible et le consensus se rencontrent et de manière numérique, sécurisée et sans autorisation.